Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Très fière qu'on ait réussi ensemble à créer cette société vraiment abondante en énergie sociale, en fait, d'une certaine manière, c'est ça qui se passe. C'est une société abondante en énergie sociale dans laquelle on a réussi à augmenter la friction, le contact, la friction, mais la friction fertile, créative, et donc à créer cette espèce de société de l'interdépendance, où on a compris aussi que d'ailleurs les récits qu'on se faisait sur les inégalités n'étaient pas du tout inéluctables. Et que c'était possible de poser un nouveau contrat social basé sur l'égalité. Et ça, effectivement, on y est arrivé en générant donc plus d'énergie sociale et de la friction. Et donc, les grandes étapes par lesquelles on est passé, je peux effectivement en citer quelques-unes. On a investi massivement, d'ailleurs, dans toutes les institutions qui permettent de générer de l'énergie sociale et de la friction et du dialogue. Donc j'évoquais l'école publique, hein, qui est quand même un peu la pierre angulaire. Dans les années 2020, la France était un des pays de l'OCDE avec les plus fortes inégalités scolaires et la plus forte ségrégation. Et donc les élèves les plus défavorisés en France y étaient nettement plus faibles qu'ailleurs. Et en même temps, les élèves favorisés n'étaient pas meilleurs qu'ailleurs non plus. Donc voilà, c'est vraiment un chantier qu'on a pris à bras le corps, en imposant notamment aux écoles privées qui sont subventionnées à 70% par l'État, hein, qui l'étaient à l'époque, ne l'oublions pas, en leur imposant d'arrêter de faire du tri et de la sélection. On a aussi récupéré le niveau de formation des profs, qui était 13 fois moins élevé par exemple qu'à Singapour avant, et donc on a massivement investi sur ce métier du lien. On s'est mis à enseigner partout dans les écoles, à tous les âges, l'écoute, justement, l'écoute, le dialogue, vraiment comme une compétence, l'empathie, l'esprit critique. Donc voilà, ça c'est un exemple d'institution dans lequel on a vraiment réinvesti, ou les syndicats aussi, hein, par exemple, qui permettent, qui ont vraiment repris du poil de la bête et qui ont permis de créer des nouvelles solidarités, des nouvelles alliances, notamment entre les classes populaires urbaines et les classes populaires rurales. Et puis on a créé aussi des... Par exemple, un truc nouveau qui encore aujourd'hui marche extrêmement bien et est en train de devenir quelque chose qui est en train de se ritualiser, c'est le service citoyen universel, qui est en train de devenir obligatoire pour tous. Et donc l'objectif, à tous les âges, pour les jeunes, mais après aussi pour les adultes, c'est de rassembler des gens qui viennent justement de bulles d'univers très différents, mais autour de causes communes pour lesquelles, du coup, ils vont s'engager à consacrer du temps et de l'énergie. Donc, ça peut être le climat, le soin aux personnes âgées, voilà. Et donc, les gens sont formés quelques mois pour être capables de relever ces défis-là. Et puis ensuite, ils travaillent ensemble avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuse.